Chapitre 29e. Un rayon de soleil. Le lendemain apporta à Marguerite une lettre d'Edith. Cette missive était, comme son auteur, remplie d'affection, de légèreté et d'inconséquence. Mais l'affection qu'elle exprimait était délicieuse au cœur aimant de Marguerite. Et comme, dès l'enfance, elle s'était accoutumée à la légèreté d'Edith, elle ne s'en apercevait plus. Sa cousine lui disait « Oh, Marguerite, rien que pour voir mon fils, tu devrais venir ici, car il vaut le voyage, oui, certainement. C'est un superbe enfant, surtout avec un bonnet brodé, et plus particulièrement encore lorsqu'il est coiffé de celui que tu lui as envoyé comme une bonne, adroite et persévérante ouvrière que tu es. Après avoir rendu dans ce pays-ci toutes les mères envieuses, j'ai besoin de le montrer à d'autres yeux et d'entendre une explosion et des paroles d'admiration qui me paraissent nouvelles. Est-ce pour cela seulement que je désire tant te voir? Peut-être oui, peut-être non. Il est possible que mon affection de cousine vienne encore fortifier ce désir, mais le fait est que je ne rêve à autre chose. Je suis sûr que le changement de climat ferait tout le bien possible à ma tante. Tout le monde ici se porte bien, tout le monde est jeune, le ciel est toujours bleu, le soleil luit toujours. La musique militaire joue du matin au soir les airs les plus ravissants. Et pour en revenir à mon perpétuel refrain, Baby sourit sans cesse. Je te cherche à chaque instant, Marguerite, pour le croquer. Peu importe la chose qu'il fait, c'est toujours la plus jolie, la meilleure, la plus gracieuse chose du monde. Je crois que je l'aime mille fois mieux que mon mari, qui commence à engraisser et à devenir grognon, et à avoir ce qu'il appelle des affaires. Non, je me trompe. Il rentre à l'instant pour me dire que les officiers du hasard, qui est à l'ancre dans la baie voisine, vont nous donner un charmant pique-nique. Et puisqu'il m'apporte une nouvelle si agréable, je rétracte tout ce que je viens de dire contre lui. Un certain personnage ne s'est-il pas brûlé la main pour se punir d'avoir dit ou fait une chose dont il se repentait? Moi, je n'en ferai pas autant. D'abord, parce que ce serait trop douloureux, et puis parce que la cicatrice serait trop laide. Mais, par exemple, je rétracte autant qu'il est en mon pouvoir tout ce que j'écris d'injurieux pour mon époux. Chalto est autant chéri et aussi mignon que Baby. Il n'a pas engraissé d'un gramme. Il est le moins grognon des maris. Seulement, il a parfois trop, beaucoup trop d'affaires. Je puis maintenant te le dire sans crime de lèse-mariage. Mais où en étais-je? Il me semble que j'avais tout à l'heure quelque chose de très important à vous dire. Oh, m'y voici, chère Marguerite. Il faut absolument, mais absolument, que tu viennes nous voir. Comme je te le disais, ce voyage serait très salutaire à ma tante. Fais-le lui ordonner par son docteur. Dis au médecin que c'est la fumée de Milton qui la rend malade, comme en vérité je n'en doute pas. 3 mois, car vous ne pouvez rester moins, de ce délicieux pays, tout doré de soleil, où les raisins et les oranges croissent avec autant de profusion que les mûrons des haies dans vos froides contrées, la remettront complètement. Je n'ose inviter mon oncle. Ici, le style de la lettre prenait une allure contrainte, et l'écriture en devenait mieux formée. Aux yeux d'Edith, Mr. Hale était comme en pénitence dans un coin, comme un enfant qui n'a pas été sage, depuis qu'il avait abandonné sa cure pour rester en paix avec sa conscience. Car sans doute il désapprouve et la guerre et les soldats, et la musique militaire. Du moins, je sais que beaucoup de dissidents sont membres de la Société pour la paix, et je crains qu'il ne se soucie pas de venir à nous. Mais cependant, si cela pouvait lui plaire, dites-lui, je vous en prie, que Chalto et moi nous ferons de notre mieux pour le bien recevoir. Je cacherai l'habit rouge et l'épée de Chalto. On fera exécuter à la musique toute espèce de morceaux graves et solennels. Et si, par hasard, ils se permettent un canari ou une polka, ils ne les joueront que maestoso ou andante. Chère Marguerite, s'il lui était agréable d'accompagner ma tante et toi, nous tâcherions de lui faire aimer ce pays-ci. Mais je t'avoue que j'ai un peu peur des gens qui se sacrifient à leur conscience. J'espère bien que tu n'as jamais rien fait de semblable. Dis à ma tante qu'il est inutile d'apporter des vêtements chauds, quoique pourtant j'ai peur que la saison ne soit bien avancée quand vous viendrez. Mais vous ne pouvez vous figurer la chaleur qu'il fait ici. J'ai essayé l'autre jour de mettre mon beau châle de l'Inde pour un pique-nique, puis, l'ayant endossé, j'ai tâché de le garder. Pour me fortifier dans ma résolution, je me répétais à moi-même une foule de proverbes. Il faut souffrir pour être belle, et beaucoup d'autres maximes de la sagesse des nations. Mais je n'ai pu y résister. je me faisais l'effet du petit épagneul de maman, sous l'équipement d'un éléphant. J'étais caché, étouffé, tué par ma parure. Enfin, je me suis décidé à en faire un délicieux tapis, sur lequel les dames se sont assises. Pense à mon cher petit garçon, Marguerite, et si, reçu de cette lettre, tu ne te mets pas immédiatement à faire tes paquets, et si tu ne viens l'admirer au plus tôt, je te croirai descendu en ligne directe du roi Hérode. Marguerite aurait voulu vivre une journée de la vie d'Édith. Elle aurait voulu goûter cette douce exemption des soucis de la vie, se trouver sous ce toit si heureux, au rayon de ce beau soleil. Oh, si un souhait avait pu l'y transporter! Comme elle se serait envolée, pour un jour seulement, et combien elle aurait, lui semblait-il, puisé de force en se retrempant, pour ainsi dire, ne fût-ce que pour quelques heures, dans cette existence confortable et brillante. Là, elle se serait sentie rajeunie. Elle n'avait pas encore 20 ans et déjà elle avait eu à lutter contre tant de calamités qu'elle se sentait vieille. Voilà ce qu'elle éprouva après avoir lu la lettre de sa cousine. Puis elle la relut une seconde fois. Alors, s'oubliant elle-même, elle s'amusa de voir la ressemblance du style avec le caractère et la personne même d'Édith. Et elle riait de tout son cœur à quelques passages de sa missive quand Mrs. Hale entra dans le salon, appuyée sur le bras de Dixon. Marguerite s'élança vers le canapé pour arranger les coussins et les oreillers. Sa mère semblait plus faible encore que d'ordinaire. « Qu'est-ce qui te faisait rire ainsi, Marguerite ?» lui demanda-t-elle aussitôt qu'elle fut remise de la fatigue causée par son établissement sur le sofa. « C'est une lettre d'Édith que j'ai reçue ce matin. Voulez-vous que je vous la lise, maman ?» Elle la lut tout haut, et cette lecture sembla intéresser sa mère, qui aussitôt entra dans une dissertation sur le nom qu'Édith pouvait avoir donné à son fils, indiquant tous les noms probables et toutes les raisons possibles qui militaient en faveur de chacun de ces noms. Au beau milieu de ces raisonnements, Mr. Thornton entra. Il apportait une nouvelle offrande de fruits pour Mrs. Hale. Il ne pouvait, disons plutôt qu'il ne voulait pas se refuser cette chance d'avoir le plaisir de voir Marguerite. En cela, il n'avait d'autre but que la satisfaction du moment. C'était l'opiniâtreté robuste d'un homme habituellement raisonnable, et qui, dans toutes les autres occasions, avait le plus grand empire sur lui-même. Il entra dans le salon. Un rapide coup d'œil lui révéla la présence de Marguerite, mais après un salut froid et réservé, il ne leva plus les yeux sur elle. Il ne resta que le temps d'offrir des pêches à la malade en les accompagnant de quelques mots polis et bienveillants. Puis, son regard salua de nouveau Marguerite d'un adieu glacé, et il quitta l'appartement. Elle se rassit en silence. Elle était fort pâle. « Sais-tu, Marguerite, que je commence à aimer tout à fait, Mr. Thornton ?» Elle ne répondit pas sur le champ. À la fin, un froid, vraiment, sortit avec effort de ses lèvres. « Oui, vraiment. Décidément, elle se forme, et ses manières ont beaucoup gagné. » La voix de Marguerite s'était raffermie. Elle reprit. « Il est rempli d'égards et d'attention. Cela ne peut se nier. » « Je suis étonné que Mrs. Thornton ne vienne jamais ici. Elle doit savoir que je suis malade, ne fût-ce qu'à cause du lido. Elle a sans doute de vos nouvelles par son fils. C'est égal, je voudrais la voir. Tu as si besoin d'amis ici, Marguerite. » Marguerite comprit tout ce que sa mère ne lui disait pas. La pauvre mourante voulait ménager à sa fille la protection et l'appui d'une femme, pour le temps où elle allait se trouver orpheline. « Il me semble, » reprit Mrs. Hale au bout de quelques instants, que tu pourrais sans indiscrétion aller chez Mrs. Thornton et la prier de venir me voir une fois seulement, car je ne veux pas me rendre importune. Je ferai tout ce que vous voudrez, maman, seulement si... Mais quand Frédéric viendra? Ah, c'est vrai, il faut tenir nos portes fermées, il ne faut laisser entrer personne. Je sais à peine si je dois souhaiter sa venue ou la redouter. Quelquefois j'aimerais mieux qu'il ne vînt pas. Je fais presque toujours des rêves affreux à son sujet. « Oh, maman, nous aurons soin qu'il ne lui arrive rien. Je me mettrai en travers de la porte, et je me ferai hacher plutôt que de laisser pénétrer des gens suspects auprès de lui. Confiez-le à mes soins, maman, et ne craignez rien. Je veillerai sur lui comme une lionne sur ses petits. Quand pourrons-nous avoir de ses nouvelles? Certainement pas avant 8 jours, peut-être même davantage. Il faut faire partir Marthe à temps. Cela ne vaudrait rien qu'elle fût ici lorsqu'il arrivera. » Et qu'alors on la renvoya précipitamment. À coup sûr, Dixon arrangera cela. Je pensais que si nous avions besoin d'aide dans la maison pendant qu'il sera ici, nous pourrions peut-être prendre Mary Higgins. Elle n'est pas pressée d'ouvrage et c'est une bonne fille qui, je crois, ferait tout son possible pour nous contenter. Elle irait coucher chez elle et on ne la ferait jamais monter. Comme cela, elle ne saurait pas qui est dans la maison. Comme tu voudras, comme Dixon voudra. Mais Marguerite, je t'en prie, ne te sers pas de cet horrible jargon de Milton. Pressée d'ouvrage, c'est tout à fait une expression de provincial. Que dira ta tante Shaw lorsqu'elle t'entendra parler ainsi à son retour ? Allons, maman, ne faites pas un épouvantail de ma tante Shaw, dit Marguerite en riant. Edith avait pris du capitaine Lennox une foule d'expressions militaires et ma tante ne les a jamais relevées. Mais toi, c'est de l'argot de fabrique. Puisque je vis dans une ville manufacturière, il faut bien que je parle quelquefois le langage des fabriques. Ah, ma chère maman, combien je vous étonnerais si je vous citais une foule de mots que vous n'avez jamais entendus de votre vie. Je parie que vous ne savez pas ce que c'est qu'un knobstick. Non, vraiment, mon enfant, tout ce que je sais, c'est que ce mot me paraît très vulgaire, et que je ne me soucie pas de te l'entendre employer. Eh bien, ma chère maman, je ne m'en servirai plus, mais il me faudra pour le remplacer avoir recours à une longue périphrase. Je n'aime pas ce Milton, dit Mrs. Hale. Edith a bien raison de dire que c'est la fumée qui m'a rendue si malade. Marguerite tressaillit à ces mots. Son père entrait en ce moment même dans le salon. Elle craignait par-dessus tout que l'idée qui s'était déjà présentée à son esprit, que l'air de Milton était pour quelque chose dans la maladie de sa femme, ne s'y confirmât. Elle ne savait si son père avait entendu les paroles de Mrs. Hale, mais elle se mit à parler avec volubilité d'autre chose, sans s'apercevoir que Mr. Thornton entrait derrière lui. Maman m'accuse d'avoir amassé à Milton une foule de vulgarités. Ces vulgarités dont parlait Marguerite étaient tout bonnement des expressions locales, et ce mot de vulgarité venait naturellement de la conversation qui avait précédé. Mais le front de Mr. Thornton se rembrunit, et Marguerite comprit soudain que ses paroles pouvaient être mal interprétées par lui. Dans le désir naturel et bienveillant d'éviter de blesser le prochain, elle se força au point de lui adresser directement la parole et continua ainsi. « Voyons, Monsieur Thornton, je vous en fais juge. Quoique le mot knobstick ne sonne pas très harmonieusement à l'oreille, n'est-il pas expressif? Et pourrais-je me dispenser de l'employer en parlant de la chose qu'il représente? Si c'est une vulgarité que d'employer les expressions locales, j'étais bien vulgaire dans le midi, n'est-ce pas, maman ?» Il était tout à fait en dehors des habitudes de Marguerite de prendre ainsi l'initiative dans la conversation. Mais dans ce moment, elle était si désireuse d'empêcher Mr. Thornton de se trouver blessé des paroles qu'il avait entendues tout à l'heure, qu'elle ne réfléchit qu'après avoir achevé sa tirade. Elle rougit alors de s'être trop avancée, d'autant plus que Mr. Thornton, paraissant à peine comprendre ce qu'elle voulait dire, passa devant elle avec un mouvement cérémonieux et, sans lui répondre, s'avança vers Mrs. Hale. La vue du fils rappela à celle-ci son désir de voir la mère et de recommander Marguerite à ses soins. La jeune fille était assise, immobile et silencieuse. Ses joues brûlaient de dépit de ne pouvoir conserver, quand Mr. Thornton était là, son calme habituel et la place qui lui convenait comme fille de la maison. Elle entendit la prière que lui fit Mrs. Hale à voix basse, d'engager Mrs. Thornton à venir la voir, mais bientôt, demain, s'il était possible. Mr. Thornton promit qu'elle viendrait, causa un peu et ensuite se retira. Alors les mouvements et la voix de Marguerite furent rendus à la liberté et délivrés des chaînes invisibles qui le retenaient. Il ne l'avait pas regardée, mais le soin même qu'il mettait à éviter ses yeux montrait qu'il savait exactement où il aurait pu les rencontrer. Parlait-elle? Il n'avait pas l'air de l'entendre. Cependant, la première phrase qu'il adressait à une autre personne était toujours modifiée par ce qu'elle avait dit. Quelquefois même, il faisait une réponse positive à quelque observation qu'elle avait émise, mais cette réponse était toujours adressée à un tiers et sans allusion aucune à Marguerite. Ce n'était pas cette impolitesse qui vient d'un défaut d'éducation, c'était l'impolitesse volontaire faite à une personne qui vous a grièvement offensé. Elle était volontaire au moment où il s'en rendait coupable, quoiqu'ensuite il s'en repentit amèrement. Aucun plan systématique, aucune combinaison ne l'eût si bien servi auprès de Marguerite. Elle pensait à lui beaucoup plus qu'elle ne l'avait fait jusque-là. sans aucune nuance de ce que l'on appelle amour, mais avec le regret de l'avoir si profondément blessé, et avec le désir de s'efforcer doucement et patiemment de rétablir l'espèce d'amitié qui régnait jadis entre eux, malgré leurs fréquentes discussions. Car la place d'un ami était la seule qu'il eût dans son esprit comme dans celui de ses parents. Il y avait une humilité charmante dans son attitude vis-à-vis de lui. Elle semblait lui demander tacitement pardon des paroles trop fortes qu'elle avait employées naguère, et qui n'avaient été que la réaction des événements du jour de l'émeute. Mais ces paroles, il les ressentait amèrement. Elles retentissaient sans relâche à ses oreilles. Il était fier de ce sentiment d'équité, pensait-il, qui le faisait continuer à rendre aux parents de Marguerite tous les bons offices en son pouvoir. Il s'applaudissait de la force d'âme qu'il montrait en se forçant à subir la présence de son ennemi chaque fois qu'il pouvait faire plaisir à son père ou à sa mère. Il croyait qu'il était pénible de voir celle qu'il avait si souverainement humiliée, mais il se trompait. C'était un plaisir âcre et poignant que de se trouver dans le même appartement qu'elle, de sentir là sa présence. Mais il n'était pas habile à analyser le mobile de ses actions et de ses sentiments, et comme nous l'avons dit, il se trompait.